te vois, je me sens si fragile. J'ai tant de mots enfouis dans mon cœur. Quand je te vois, j'ai tant de choses à dire. Me suis sans voix bloqué par la peur. J'ai perdu ma maladresse de te blesser, même si ce n'est rien. Ce n'est qu'au fond de mes rêves que je suis bien et que je chante pour toi ce refrain. Je ne vois que toi dans mon cœur. Ton regard me trouble, devant toi je ne suis rien. Et je ne vois que toi, je ne cesse d'expliquer que je suis fou de toi, que mon corps est figé par la peur. Quand je t'ai vu, je ne bats plus, je n'ai plus faim, et je cache avec moi mon chagrin. Quand je te vois, je ne suis plus moi-même, je joue le rôle d'un mauvais comédien. Je voudrais te dire que je t'aime, que ton image ne me quitte pas. C'est le cocon de mes rêves que je suis bien, et que je chante pour toi ce refrain. Car je ne vois que toi dans mon cœur. Ton regard me trouble, devant toi je ne suis rien. Je ne vois que toi, je ne sais t'expliquer que je suis fou de toi, comme mon corps est figé par la peur. Oui, je ne vois que toi dans mon cœur. Ton regard me trouble, devant toi je suis bien. Oui, je ne vois que toi, je ne sais t'expliquer aux gens que je suis fou de toi, comme mon corps est figé par la peur. Je ne vois que toi dans mon cœur. Ton regard me trouble, devant toi je ne suis rien. Oui, je ne vois que toi, je ne sais expliquer aux gens que je suis fou de toi, que mon corps est figé par la peur.